Bonjour. Monsieur, il aime bien parler. C'est pour un collectif de radio associative qui participe à la grève. Là, c'est où vous portez un drapeau finances publiques. Absolument. Oui. Et pourquoi les finances publiques sont-elles mobilisées aujourd'hui? Bon, parce que les finances publiques, elles font partie de la fonction publique d'État et que, pas de ce point de vue-là, elles sont concernées, les fonctionnaires sont concernés au même titre que l'ensemble de la population d'ailleurs, puisque c'est une réforme qui touche l'ensemble de la population, tout l'ensemble des salariés. C'est pour ça qu'évidemment, on est dans la rue et en manifestation. Et est-ce que vous pouvez parler, vous, de vos conditions de travail plus précises aux finances publiques? Est-ce que vous avez d'autres motifs que la réforme des retraites d'être dans la rue? Absolument, oui. Les finances publiques sont dans une période de grande réforme fonctionnelle et structurelle, à savoir on remet en cause les fonctions régaliennes des finances publiques, dans la mesure où le contrôle fiscal est largement touché par les lois qui favorisent grandement les entreprises et les entrepreneurs au détriment de la recherche de la fraude fiscale. Et ensuite, en ce moment, il y a un grand plan de restructuration des services des finances publiques qu'on appelle le nouveau réseau de proximité, qui vise à fermer des structures locales, limitant ainsi l'accès aux services publics par les usagers. Et la contrepartie que le ministre Darmanin souhaite mettre en place, c'est l'ouverture de ce qu'on appelle les maisons France Service, où les usagers pourraient se rendre là, mais en face, il y aura un ordinateur, un personnel peu ou mal formé qui ne rendra évidemment pas les mêmes services que ce que l'on peut trouver dans les centres de finances publiques, notamment en termes de prise en charge des questions qui se posent aux usagers. Donc ces maisons France Service, c'est ce qu'on appelle nous du service public low cost, c'est-à-dire que on va avoir des points isolés à travers le territoire dans lesquels les usagers ne trouveront pas leur réponse. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une étude de France Stratégie qui dit que 26% de la population est en marge des nouvelles technologies, ce qu'on appelle la rupture numérique. Et ces personnes-là, eh ben nous, on veut pouvoir leur rendre le service public qu'ils sont en droit d'attendre. Et ça passe par un réseau structuré de fonctionnaires qui pourront répondre efficacement à leurs attentes. Et c'est évidemment pas les maisons France Service qui feront ça. Et ils vont peut-être même externaliser les finances publiques pour les confier à des banques, par exemple, ce serait pas mal. Bien sûr, alors ça, c'est un vieux serpent qui a existé. Il y a certains impôts ont été confiés au privé. On se souvient tous des portiques au-dessus de toutes nos routes, là, hein, qui avaient été abandonnées, la taxe carbone abandonnée par Royal. C'était un impôt confié à une entreprise publique, ça a coûté 1 milliard d'euros, puisque c'était une entreprise italienne qui avait remporté ce marché, et il a fallu la dédommager. Ça a coûté 1 milliard d'euros d'argent public. Sacrée économie, hein. Bien sûr. Et ensuite, oui, bien sûr, là, le contrôle fiscal est vraiment dans le collimateur en ce moment, puisque Macron, c'est la start-up nation, donc c'est les entrepreneurs avant tout. Et il y a une remise en cause véritablement du contrôle fiscal en ce moment, avec des projets qui visent à unifier le réseau URSSAF, le réseau inspection du travail, le réseau contrôle fiscal, pour pouvoir faire des contrôles light, et dans l'unique but de ne évidemment pas déranger le moins possible les entreprises, y compris les entreprises fraudeuses, parce que si on ne va pas vérifier en profondeur, la fraude, elle n'est pas à la fenêtre, hein, il faut aller la chercher. Bon, bah, pour la chercher, il faut un petit peu de temps. Donc c'est véritablement nos craintes. Je disais ça comme une boutade, en termes de caricature, mais en fait, non, il n'y a rien. Ah, mais pas du tout. Ah non. D'accord. Non, là, en ce moment, la CGT Finances Publiques alerte sur la remise en cause du caractère régalien de l'administration fiscale. On en est là. C'est-à-dire que l'administration fiscale, actuellement, c'est 90 000 fonctionnaires. On a d'ailleurs subi les plus grandes suppressions d'emplois de tout l'État. C'est-à-dire que c'est dans les finances publiques que l'on a supprimé le plus de postes. On en est à 15 000 en un petit peu plus de 12 ans. Et l'OCDE dit que pour un pays comme la France, l'administration fiscale devrait, si on se compare aux autres, avoir un volume de entre 50 et 60 000 emplois. Donc, il reste un bon tiers à supprimer, et c'est véritablement un danger, parce que si on amenuise trop les effectifs de l'administration fiscale, bah évidemment, la nature ayant horreur du vide, on va trouver actuellement des banques qui candidatent pour recouvrer des impôts. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des tentatives d'une banque franco-belge qui a d'ailleurs fait faillite. Ça a coûté aussi quelques milliards d'euros d'argent public pour éponger l'ardoise. Mais il existe actuellement des tentatives de banques pour se positionner, pour recouvrer des impôts. Évidemment, des impôts faciles à recouvrer. Par exemple, des impôts locaux dans des zones résidentielles où il y a peu d'évolution de population, etc. C'est très facile, on connaît les gens, ils ont un compte bancaire, etc. Il n'y a rien de plus facile que de récolter cet impôt-là. C'est un sujet qui est sur la table. Donc il nous parle régulièrement de la fraude aux allocations sociales, mais tout en la fraude, en réalité, la fraude aux allocations sociales, c'est en tout 250 millions d'euros par an. Il faut savoir que la très grande majorité de cette fraude est à l'initiative des médecins, l'essentiel étant le passage d'une chirurgie esthétique en chirurgie réparatrice, qui permet de faire passer et d'obtenir des remboursements. C'est l'essentiel de la fraude sociale. Et évidemment que la fraude fiscale, on est dans une autre échelle. La fraude fiscale, elle est évaluée actuellement entre 80 et 100 milliards. De 250 millions à 100 milliards. Donc évidemment, on est sur une autre échelle. 100 milliards d'euros, c'est la fraude. Et c'est pas les syndicats qui disent ça, ce sont des organismes reconnus. Il y a de plus en plus de statistiques sur le sujet. Ces 100 milliards, c'est par contre, les organisations syndicales, elles donnent des pistes pour pouvoir récupérer cet argent-là. Et évidemment, ça n'est pas en supprimant les effectifs des équipes du contrôle fiscal qu'on va dans le sens de récupérer cette fraude fiscale. Donc oui, c'est véritablement alarmant. Oui. Votre prénom, c'est quoi ? Guillaume. Merci, Guillaume. Merci.